Zaché était un collecteur d'impôts, le plus riche de la ville de Jéricho. Les gens le méprisaient, ce misérable, avec tout son argent qu'il aille au diable. Zaché avait fermé à clé son cœur, refusant de l'ouvrir même au bonheur. Pourtant un jour il entendit parler d'un doux rêveur qui voulait tout changer. Changer la vie de tous les jours, mettre en couleur le noir et blanc, chasser la haine, semer l'amour et vivre à fond l'instant présent. Changer, il n'est jamais trop tard, le cours des choses, le cours du temps, poser un tout autre regard sur ce vieux monde au cœur battant. Zaché était curieux, il voulait voir celui qui redonnait autant d'espoir aux pauvres habitants de cette terre, dont la seule qualité c'est de se taire. Zaché courut pour observer cet homme, lui qui n'était pas bien plus haut que trois pommes. Dans un grand sycomore, il a grimpé. À l'abri de la foule, il s'est caché. Changer de peau, tout simplement, être plus grand ou plus petit, moins gros et plus intelligent. Quand on est beau, tout vous sourit. Changer la course du destin, comme tout s'achète et tout se vend. Zaché pensait que son chemin était pavé d'or et d'argent. Zaché, entre les feuilles de son perchoir, ne savait pas encore que cette histoire allait se terminer tout autrement. Lorsque Jésus lui dit en s'arrêtant, Zaché, descends de l'arbre et viens vers moi, car aujourd'hui c'est moi qui vais chez toi. Les gens qui étaient là n'ont pas compris pourquoi Jésus lui parlait en ami. Changez vos cœurs, vous comprendrez pourquoi Zaché est descendu, pourquoi il s'est laissé toucher par la parole de Jésus. Changez vos cœurs, vous connaîtrez la joie de l'homme repenti qui sans attendre a redonné l'argent qu'aux pauvres il avait pris. Changeons de vie, nous comprendrons pourquoi Jésus à Jéricho s'est installé dans la maison d'un drôle de collecteur d'impôts.